évidence, tu me dis que t'aimes quand je te donne le maximum. Quand ensemble on danse à l'horizontale, au gal, avec élégance on se donne le kiff comme personne. Jusqu'au summum, j'ai succombé à ta beauté fatale. M'approche d'elle et lui demande ce qu'elle veut boire. Elle répond, t'en se connais pas, alors va te faire voir. Et pourquoi refuses-tu ma proposition? Es-tu sûr de vouloir faire totale opposition? Viens avec moi viser les positions. Elle me dit, ok mais je mets mes conditions. Elle me dit d'être doux, qu'elle a coquin et tout, qu'elle fait pas ça partout, qu'elle veut voir mes atouts, qu'elle ne veut pas de mes sous, mais seulement un beaucoup. Et pour finir être précise, j'aime bien les gros bambous. Je n'ai pas de timide, je sais que tu veux que je te nique. Moi j'aime bien ta plastique, j'ai les prothèses plastiques. Bye, what the fuck, j'en ai déjà là. Qu'alors te plaira, applique, qu'on passe à la pratique. Tiens, avec évidence, tu me dis que t'aimes quand je te donne le maximum. Ladies assurées, si ça peut te rassurer. Demoiselle se comme j'aime jouer avec ma langue entre ses jambes. J'aime rien lui dire et tout lui faire comprendre. J'aime aussi quand à mon sexe ses lèvres se pendent. J'aime son boule, son move, son bouche, son style, son odeur, son groove, son sexe appelant. Concerne le sexe n'est pas versatile et je ne veux pas qu'un minimise un jeu tactile. On part au corps à corps et nos deux cœurs s'emballent. Je lui fais du bien tout en lui faisant du mal. Tiens, avec évidence tu me dis que t'aimes quand je te donne le maximum. Qu'ensemble on danse à l'horizontale. Quand tu poussais, ça me donne envie de me booster. J'aime tester ta dextérité et pénétrer ton intimité. Ne fais pas preuve de timidité lorsque tu affiches ta nudité. Faut te lâcher, Alexei, Alexei, Alexei.